Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Man hadara dars al-madi qui était présent la dernière fois. C'est quoi les caractéristiques du munafiq qui ont été citées dans le hadith ? Quatre. Facile, t'as oublié ? Un. Parce qu'il parle des noms. Parce qu'il ne comprend pas qu'il trahit. Lorsqu'il se dispute qu'il dépasse les limites, il y en a assez de. Oui, c'est. Qui s'appelle le quatrième. Vous êtes tu'mina khana. Lorsqu'on lui confie une chose, voyez, il est malhonnête. Tu lui confies un dépôt ou autre, il le trahit. Ou azal munafiq, ce dunifiq akbar, cette hypocrisie a fait sortir de l'islam, dans ce hadith. Et le nifiq, il est de combien sortes? Là, c'est un des deux. Le deuxième, c'est quoi? Il y a deux formes de nifaq. Mahouma. Maf, t'oublies les noms. Dis-nous la différence qu'il y a entre les deux. Ah, il y a nifaq amali ou nifaq i'tiqadi. Amali, on a dit que c'est celui du hadith. Il ne fait pas sortir de l'islam. Et le i'tiqadi, c'est le akbar. Lui, il sort de l'islam. Mais ce ameli, c'est une passerelle qui mène à l'autre. Mine de rien. Donc il est très dangereux également. Et on a dit que le croyant, sahib amana, c'est une personne qui doit être honnête. Il peut avoir beaucoup de défauts, mais ces quatre-là, là, il ne doit pas les avoir. Et si Amil en a un des quatre, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fihi khaslatun min an-nifaq, qu'il aura parmi lui, et il aura en lui une des caractéristiques du nifaq. Ça, c'est pas bon. Andak hadart, t'es venu la dernière fois, t'étais là? T'es pas là? T'as pas écouté? Non, t'étais pas concentré. Anta hadart, là? Ant, t'étais là la dernière fois? Non? Toi, t'étais là, toi. La dernière fois, t'étais là. Donc, je t'interroge. Sur un hadith. Ouais. C'est pas grave, dans le sens du hadith. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Shaitan, il vient auprès de l'un d'entre nous et lui dit, qui a créé ceci? Qui a créé ceci? Il sait ce qu'ils disent, qui a créé Allah, azza wa jal. C'est quoi le remède? Arsente, d'arrêter tout de suite. D'arrêter tout de suite. Ensuite, chercher un refuge auprès d'Allah. Arsente. Et dire qu'on croit à ce que la personne va parler. Naam. Amen tu bilay ou rusuli. Arsente. T'arrêtes directement cette. Tu mets court à cette insufflation. Tasta'if billah, tu recherches refuge auprès d'Allah. Et tu te refuges également par l'iman. Tu te rappelles que tu crois en Allah azza wa jal et en ses messagers. Et biznillah, ça partira. طيب ندخل في الحديث التاسع يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس selon عبد الله بن عمرو رضي الله عنه le message d'Allah عليه الصلاة والسلام il a dit que toute chose est basée sur le destin. Elle est prédestinée, elle est écrite. Même l'incapacité et le case, ce serait le sérieux. Le fait d'entreprendre les choses. Je ne sais pas s'il y a un mot précis, mais c'est ce qui me vient en tête là actuellement. Hadith rawa ou muslim, rapporté par muslim. يقول هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان ستة. Donc ce hadith, il regroupe un des six fondements de la foi. وهو الإيمان بقدر خيره وشره حلوه ومره عامه وخاصه سابقه ولاحقه بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء. Donc ce hadith, ce fondement qu'il renferme, c'est celui de la foi au qadar, au destin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit doux ou amer, qu'il soit général ou spécifique, d'accord ? Et que le serviteur doit reconnaître que Allah sème toute chose, il sait toute chose, avant qu'elle n'arrive, quand elles arrivent, mais dit non, une fois qu'elles sont passées. وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها وعلم جميع أمورهم وأحوالهم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Qu'il sache, c'est-à-dire le serviteur, que Allah عز وجل connaît les actes de tout le monde, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il connaît toutes choses, toute leur situation, et que cela a été inscrit dans le Lawh al-Mahfouz, qui est ce qu'on appelle la table préservée. Dans le sens où Allah dit, ne sais-tu pas que Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et que cela est dans un livre, et que cela est facile pour Allah. Surat al-Hajj. Donc le kitab, ici, kitab, c'est un Lawh al-Mahfouz. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيته الشاملة لكل ما كان وما يكون الشاملة للخلق والأمر. Et que Allah Azza wa Jal justement fait en sorte que ces choses destinées s'appliquent et se déroulent, et chacune en son temps, au temps défini, et cela en mesure de ce qu'implique sa sagesse ainsi que sa volonté, qui toutes deux regroupent tout ce qui a été et qui doit être. Et qui elles regroupent la création et le décret. Ce que Allah a créé, ce qu'il a décidé, on dirait comme ça. وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ وَمَعَ خَلْقِهِ لِلْعِبَادِ وَفَعَلِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ قَدْ أَعْطَاهُمْ قُدْرَةً وَإِرَادَةً تَقَعْ بِهَا أَفْعَالُهُمْ بِحَسَبِ اِخْتِيَارِهِمْ لَمْ يُجْبِرُهُمْ عَلَيْهَا. Et il a dit, malgré cela, d'accord, que Allah Azza wa Jal a créé les serviteurs ainsi que leurs actes. Il leur a créé leur aspect, leur forme. Malgré tout, il leur a donné à chacun la capacité de choisir. Et une volonté. Et celle-ci a lieu en mesure de leur propre volonté. Par exemple, un serviteur va faire une chose. Il a décidé de faire telle et telle chose. Cela lui revient à lui. D'accord ? Cela lui revient à lui. Il a le libre choix, comme on dit. S'il veut la droite, il va à droite. S'il veut la gauche, il va à gauche. S'il veut s'asseoir, il s'assoit. S'il veut se lever, il se lève. On parle de quelqu'un qui est physiquement apte, bien sûr. Et personne ne se sent contraint de faire cela. D'accord ? Quand tu fais un choix, tu fais une chose, tu ne te sens pas contraint. Comme si on te dirige ou qu'on te forçait. C'est toi-même qui fais les choses. Et c'est justement l'une des images que Cheikh Al-Othaymeen, rahimahullah ta'ala, il donne pour dire que la différence qu'il y a entre une personne contrainte et une personne décidée, il donne l'exemple de quelqu'un qui saute et de quelqu'un qui tombe. Celui qui saute, il sait qu'il va sauter, il se prépare. Il prend l'élan, il accélère, et il pousse sur les jambes et il saute. Celui qui tombe, il s'en rend pas compte. Il ne gère pas sa chute. Ce qui arrive n'arrive pas de son choix. Donc l'être humain, dans ses choix, il est comme ça. Ce qu'il fait, il s'y prépare. Quand il veut faire une chose, il prépare son projet, il met les choses en place et après, il agit. Donc Allah Azza wa Jal, malgré qu'il ait tout créé, il ne force personne à agir tel qu'il agit. Et personne ne le ressent en lui. Tout le monde sent qu'il est libre dans ce qu'il fait. Donc ce choix qu'on a en nous, malgré tout, c'est lui qui l'a créé. Ce choix qu'on a en nous, Et cette capacité de choisir, c'est lui qui l'a créé. Parce qu'il a tout créé. Si quelqu'un dit, je fais de moi-même, tu te rendras toi-même créateur. Ça, c'est pas possible. Yaqul. والذي خلق قدرتهم ومشيتهم وخالق السبب التام خالق لمسبب فافعالهم واقوالهم تقع بقدرتهم ومشيتهم اللتين خلقهما فيهم كما خلق بقيه قواهم الظاهره والباطنه ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له. Donc c'est Allah Azza wa Jalla, comme on vient de le dire, qui a créé en eux, c'est-à-dire les serviteurs, ce potentiel, cette capacité de pouvoir réfléchir, de pouvoir agir par eux-mêmes. Il a tout créé. Il a créé les causes. D'accord? Les causes complètes. Il a créé ce qui amène à appliquer ces causes. Il a créé les actes. Il a créé la force de la personne. Il a créé les paroles de la personne. Mais il a créé également, comme on l'a dit tout à l'heure, son libre choix. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal à faciliter chacun pour ce pourquoi il a été créé. Comme a dit le hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما منكم إلا قد كتب له مقعده من الجنة ومن النار. Il a dit qu'il n'y a aucun d'entre vous sans que son siège au feu ou au paradis soit déjà écrit. Et cela est dans un livre auprès d'Allah Azza wa Jal. يعني اللوح المحفوظ. Donc les sahaba, ils ont été surpris, ils ont dit أفلا نكيل لنا كتابنا أو كتابنا. Ils ont dit non. Alors pourquoi ne pas se reposer sur notre livre et ne pas agir? Il a dit non. Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Il a dit œuvrez car chacun sera facilité pour justement le siège qui l'attend. Donc œuvrez quand même. Et vous voyez que les gens qui voudraient mathalan yastadilluna bil qadar alannahum mahdhurun anna hadha raddun alayhim bi af'alihim. Les gens qui viendront prendre le destin comme excuse pour le mal qu'il causerait, ils diront, c'est Allah qui a voulu que je fasse ça. C'est... Pourquoi vous en prenez à moi? C'est pas moi, c'est Allah qui a écrit que je devais faire ça et ça et ça et ça. Ou des gens qui le disent, pourquoi pas besoin d'agir? Si jamais j'ai le paradis, quoi que je fasse, je vais y aller. Si jamais j'ai l'enfer, quoi que je fasse, je vais y aller donc. Pourquoi je vais me fatiguer? Donc ces gens-là, vous voyez par exemple, tu lui dis, pourquoi le matin tu te lèves pour aller travailler alors? Parce que Allah t'écrit comme nourriture, ça va venir, reste dans ton lit, bouge pas. Dans plein de choses de la vie de dunya, tu vois, il va bouger, il va faire les causes. Mais quand ça vient de la religion, c'est le qadar, l'argument. On dit, t'es pas cohérent. Tu vois. Quand c'est la religion, c'est Allah qui m'a destiné. Mais quand c'est pour la dunya, là, tu vois, il bouge. Il fait des efforts, il transpire, il va à droite, à gauche. Tu vois. Donc on dit dans ta religion, que tu dois bouger et faire les causes qui t'ont été données. Donc le qadar, ce n'est un argument pour personne. Et si quelqu'un dit, Allah m'a présenté, il ferait du mal, par exemple, il dit, Allah, Azza wa Jal, ça se trouve, je vais aller au feu, donc pourquoi je me fatigue? On dit, ça se trouve, tu vas aller au Jannah, tu le sais pas. Donc toi, si tu sais que ça, c'est une route qui va au Jannah, ça, c'est une route qui va au Nar, et tu sais pas où est ta destination, c'est quoi que tu choisis, le Jannah ou le Nar? Il dit, Jannah. Prends la route du Jannah, alors. Prends les causes. Donc tout le reste, c'est que, on va dire, polémique, futile, et, débat inutile. Pour s'excuser du mal que l'on pourrait être amené à faire. Donc le qadar n'est un argument pour personne. قال فمن وجه قصده لربه حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين فتمت عليه نعم الله من كل وجه. Il a dit celui qui vise Allah Azza wa Jal son cœur sincèrement, Allah lui fera aimer la foi. Il l'embellira à ses yeux, dans son cœur. Il lui fera détester le kufr, ainsi que la perversion et la désobéissance. Il n'aimera pas cela. Parce que de base, lui, il ne veut pas cela. Donc Allah Azza wa Jal lui facilite la chose. Et il le mettra parmi les gens de droiture. Et Allah Azza wa Jal parachèvera sur lui ses bienfaits. De toutes parts. Car cette personne-là, à la base, veut et fait en sorte d'avoir. Donc Allah lui facilite. ومن وجه وجهه لغير الله بل تولى عوده الشيطان لم يسره لهذه الامور بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله لنفسه فضل وغوى وليس له طيب contre à celui qui lui justement fait les choses sans vouloir Allah Azza wa Jal, alors Allah l'abandonnera dans le sens qu'il le laissera se faire